Épilogue. 4 ans après l'achèvement de la jolie villa à murs blancs, qui semblait destinée à n'être jamais habitée, Belinda Lawford se promenait seule dans l'allée d'arbustes du jardin de la grange vers le déclin d'une journée de septembre. Miss Lawford était plus grande et ressemblait plus à une femme que le jour où son mariage avait été empêché. Les belles couleurs avaient fui de ses joues, mais je crois que cette pâleur qui donnait un air pensif à sa figure ne la rendait que plus jolie. Elle était très grave, douce et bonne, mais elle n'avait pas oublié la violente secousse que lui avait causée l'interruption de la cérémonie du mariage à l'église de Hellingsworth. Le major avait emmené sa fille aînée à l'étranger presque aussitôt après cette journée de juillet, et Belinda et son père avaient voyagé très tranquillement, explorant de paisibles cités belges, regardant des hôtels célèbres dans les cathédrales sombres et parcourant des champs de bataille, où le sang des nations rivales s'était jadis confondu dans une grande mare rouge. Ils étaient restés absents pendant plus d'un an, puis Belinda revint assister au mariage d'une sœur cadette et apprit que la femme d'Edward Arundel était morte, à Nice, d'une infection de poitrine. On lui dit cela. Il sut aussi qu'Olivia Marchmont vivait toujours avec son père à Swampington et que chaque jour elle faisait la même tournée de cottage en cottage, visitant les malades, apprenant aux petits-enfants et quelquefois des hommes à barbe épaisse à lire, à écrire et à compter, faisant la lecture à de vieux infirmes, écoutant de longues histoires de maladies et d'épreuves en montrant une patience qui touchait au sublime. La passion s'était éteinte dans le cœur de cette femme. Il ne restait plus dans son esprit que le remords et le désir de faire une longue pénitence au bout de laquelle elle put espérer le pardon. Mais Mrs. Marchmont ne visitait jamais personne toute seule. Partout où elle allait, Barbara Simons la suivait comme son ombre. Les gens de Swampington disaient que la fille du curé n'avait pas toute sa raison, et il arrivait quelquefois qu'elle oubliait où elle était, et aurait erré sans but, Dieu seul sait combien de temps, s'il n'eût été accompagné de sa fidèle servante. Malgré l'habileté des gens de Swampington et de Camberling à découvrir les affaires de leurs voisins, ils ne surent jamais qu'Olivia Marchmont avait pris part à la disparition de sa belle-fille. Ils la regardaient même avec un certain respect comme l'héroïne dont les efforts avaient fait connaître les infâmes machinations de Paul. Dans la précipitation et la confusion de la scène à l'église des Hellingsworth, personne n'avait pris garde aux accusations incohérentes d'Olivia contre elle-même. Herbert Arundel n'eut donc pas la douleur d'apprendre jusqu'à quel point sa fille avait été coupable. Belinda Lawford revint au toit paternel pour être présente au mariage de sa sœur. Et l'ancienne existence recommença pour elle avec tous les devoirs qui lui avaient jadis été si agréables. Elle les accomplissait avec beaucoup de gaieté. Elle travailla pour ses pauvres pensionnaires et débarrassa sa mère de la haute direction du ménage. Mais quoiqu'elle fît retentir ses clés en trottinant dans la maison et qu'elle chanta en travaillant, l'heureux sourire d'autrefois illumina rarement sa figure. Elle s'acquitta de ses devoirs plutôt en matrone qu'à vécu, quand jeune fille ayant devant elle l'avenir mystérieux et inconnu. On a dit que le bonheur vient en dormant. Je crois que ce proverbe signifie que la joie vient généralement lorsque nous ne songeons pas du tout à elle. Et ce fut ainsi que par cet après-midi de septembre, tandis que Belinda errait dans le jardin, après avoir fini ses devoirs de la journée, et qu'elle pouvait songer ou rêver à son aise, le bonheur s'offrait à elle, inattendu, inespéré, suprême, car, en se retournant au bout d'une allée d'arbustes, elle vit Edward Arundel à l'autre bout, le chapeau à la main et les cheveux agités par la brise d'été. Miss Lawford demeura immobile. Le jardin alenti tourbillonna devant ses yeux, et le sentier sablé sembla être devenu un terrain mouvant. Elle ne put bouger, elle resta immobile, et attendit qu'Edward vint à elle. « Laetitia m'a avoué tout ce qui vous concerne, Linda, » dit-il. « Elle m'a dit combien vous avez été noble et fidèle. Et elle m'a envoyé ici pour y chercher une femme qui ramena le soleil dans ma maison vide. Et une jeune mère qui sourit à mon fils. » Edward et Belinda se promenèrent longtemps dans l'allée d'arbustes, causant beaucoup du triste passé, un peu de l'avenir, plus riant d'aspect. Il faisait déjà sombre quand ils revinrent à la porte vitrée du salon, où Mrs. Lawford et ses filles cadettes étaient assises, et où Lydia, qui venait après Belinda, y était mariée depuis 3 ans au vicaire de Hellingsworth, nourrissait son second baby. A-t-elle dit oui ? S'écria cette jeune matrone aussitôt, car elle savait le but de la visite d'Edward à la grange. Oui, évidemment, elle a dit oui. Que pourrait-elle dire après avoir refusé toutes sortes de prétendants et s'être donné des airs de vieille fille? Oui, mon petit mignon de Pops, tante Lindy va se marier, conclut la femme du vicaire, en s'adressant à son baby de 3 mois, dans ce patois particulier qu'on suppose intelligible pour les enfants, seulement parce que personne ne le comprend. Je suppose que vous ne savez pas que mon futur beau-frère est major, dit la troisième sœur de Belinda, qui venait de lutter avec une variation de Thalberg, tout en octave, et qui se retourna sur son tabouret pour s'adresser à sa sœur. Je suppose que vous ne savez pas que vous avez parlé au major Arundel, qui a fait toute espèce d'exploit dans le Punjab. Papa nous a tout raconté il y a 5 minutes. Belinda eut assez à faire de recevoir les bruyantes félicitations de ses sœurs, surtout de celles non mariées qui ne demandaient pas mieux que de figurer en qualité de demoiselles d'honneur. Mais un peu plus tard, après le dîner, la femme du vicaire entraîna ses sœurs loin de cette fenêtre sombre où Edward Arundel et Belinda étaient assis, et les deux futurs restèrent seuls. Cette soirée fut très paisible, très heureuse, et il s'en écoula bien d'autres du même genre, avant qu'Edward et Belinda eussent complété cette cérémonie qu'ils avaient laissée inachevée un peu plus de 5 ans auparavant. Les sycomores furent élégamment meublés sous la surveillance de Belinda, et comme Reginald Arundel s'était marié récemment, la mère d'Edward vint vivre avec son plus jeune fils et amena avec elle son petit-fils idolâtré, qui était maintenant un grand garçon en cheveux blonds, âgé de 6 ans. Il n'eut aux sycomores qu'une chambre qui ne fut jamais habitée par personne de la maison, excepté Edward lui-même, qui en gardait la clé dans son pupitre et ne permettait aux domestiques d'y entrer qu'à des époques fixes, pour tout tenir propre et en ordre dans l'appartement. La chambre fermée était le boudoir qu'Edward Arundel avait destiné à sa première femme. Il avait voulu qu'elle fût meublée ainsi qu'il l'avait été projeté pour Mary. Les boutons de rose et les papillons sur les murs, les rideaux en guipure bordés de soie rose et bleu pâle, les quelques livres choisis sur la petite étagère près de la cheminée, le service du déjeuner en porcelaine de Dresde, les statuettes et les peintures représentaient exactement les décors depuis longtemps fixés par lui pour le boudoir de sa femme. Il entrait dans la chambre de temps en temps et regardait le portrait de sa première femme, une esquisse au crayon faite à Londres avant le départ de Mary et d'Edward pour Nice. Il regardait ce portrait avec un peu de tristesse, même alors qu'il était le plus heureux dans les nouveaux liens qui le rattachaient à la vie et à tout ce qu'elle a de beau. Le major Arundel y conduisit un jour son fils aîné qui avait alors 8 ou 9 ans et montra à l'enfant le portrait de sa mère. « Quand vous serez homme, cette chambre sera à vous, Edward, » dit le père. « Vous pourrez donner à votre femme ce boudoir que je n'ai jamais donné à la mienne. Vous lui direz qu'il fut bâti pour votre mère et par un mari qui, même dans sa plus grande reconnaissance envers Dieu pour toutes les bénédictions nouvelles reçues du ciel, ne cessa jamais de regretter la perte de son premier amour. Je laisse donc mon soldat héros se reposer sur ses lauriers, péniblement conquis, et jouir de ce bonheur modeste que tempère le souvenir du malheur. Je le laisse avec de beaux enfants, se pressant autour de ses genoux, et une femme charmante qui lui sourit à travers ses têtes enfantines. Je le laisse heureux, bon, utile, occupant sa place dans le monde et enseignant à ses enfants à être sages et vertueux dans les jours à venir. Je le laisse surtout avec la lampe sereine de la foi, brillant à jamais dans son âme, éclairant l'image de cet autre monde où il n'y a ni mariage ni marié, et où sa femme morte lui sourira au milieu des innombrables figures des anges, et sera éternellement enfant devant le trône de Dieu. » Ainsi s'achève le testament de John Marchmont par Marie-Elisabeth Braddon.